Voilà, ça tourne. Alors, en direct de Blois. Quel jour? À 1h23 du samedi. Du samedi. Octobre 30. Donc 31. Non, 30 octobre. Voilà. Et 2021. Et en direct du forum des rencontres Inouï Paysage. Voilà, à Louis XII restaurant. Au restaurant Louis XII, et ouais. Devant les micros. Et la bière, deux bières. Et deux bières, et ouais. Giuseppe Gavazza. Voilà, exactement. Je pas le nom. Oui, c'est Giuseppe Gavazza, c'est parfait. Parfait, voilà. Alors, Giuseppe est compositeur, oui. Artiste sonore. Oui, enseignant, j'enseigne au conservatoire l'écriture, la composition, l'analyse, et d'autres choses comme ça. Bon, ouais. Aussi dans le cadre de la musique, de la pédagogie musicale et dans le cadre de la musique électronique. Et dans mes élèves, ils sont des adultes, musiciens, qui étudient pour devenir enseignants d'éducation musicale. Soit dans les cours de technicien du son, ingénieur du son et compositeur électroacoustique. Donc tu es à Turin, c'est ça? À Kuhn, non, moi j'habite à Turin et j'enseigne au conservatoire de Kuhn, c'est une ville qui est à 90 km sud de Turin. D'accord. À côté de la frontière française, on est à 30 km de la France. Ok, d'accord, on est voisins quasiment. Oui, donc... Et donc là, ce que tu as présenté, que j'ai eu la chance de voir deux fois en un mois quasiment. Mais oui. L'installation des voix cachées, alors je ne sais plus son nom exactement. Donc il y avait la première fois, justement, on l'a fait au Jardin des Plantes à Grenoble, il y a un mois. Voilà. Et il s'appelait le Jardin des Voix Timides. Timides. Voilà, puisque c'était des petits haut-parleurs que j'ai branchés dans des grands arbres, dans l'espace plutôt grand du Jardin des Plantes, dimanche, donc c'était plutôt un grand espace public plein de gens. Et donc les sons que j'ai diffusés, c'était des petits haut-parleurs, c'était plutôt des sons par rapport au paysage sonore faibles, timides. Par contre, presque les mêmes sons, les mêmes haut-parleurs, je l'installais ici dans un petit jardin sauvage, tout petit, pendant la nuit, caché dans les arbres, de petits arbres. Donc là, je l'appelais le jardin des voix cachées. The Garden of Hidden Voices. En effet, moi, j'ai du mal à la fin à récupérer les autres parleurs, qu'ils étaient tellement bien cachés que je ne les trouvais pas. Et bon, voilà, donc. C'est vrai que les deux installations, une deux jours sur un grand espace et l'autre de nuit sur un espace plutôt intime et refermé, oui. On les entendait complètement. Ça sonnait complètement différemment. Oui, à mon avis, oui. Et je dois dire, je préfère la version. Récent ici, plus intime la nuit, c'est plus magique, c'est plus... Donc, c'était bien les deux, c'était bien l'occasion dans les deux cas, mais quand même, personnellement, c'est, pour les refaire, je chercherais plutôt des petits jardins la nuit, le soir, qui donnent une ambiance qui aide à l'écoute, qui aide à l'écoute attentif. Ouais, c'est plus propice à... Ouais, c'est quelque chose de plus intime, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'était aussi un travail, je crois, sur des modélisations physiques. Oui, donc là, la chose... Oui, et puis, oui pas seulement. Donc, comme j'avais dit, donc, je travaille il y a longtemps, à partir de 1998, avec un labo de Grenoble qui s'appelle Acroé, qui a développé un logiciel de synthèse de son par modèle physique. En effet, c'est un logiciel qui crée des mouvements. Donc, basiquement, c'est très simple. On a des masses et on a des liens entre les masses. On peut brancher n'importe combien de masses, on peut les lier n'importe combien de liens, avec des valeurs gigantesques entre 0, 0, 0, 0. Donc, il me disait que c'est des dimensions plus petites que de neutrines et plus grandes de l'univers entier. Donc on a un range. Et après, on peut les brancher ensemble avec des liens où on donne la définition de viscosité et d'élasticité. On donne énergie. Donc au début du modèle, on impose une vitesse à une des masses et l'objet commence à bouger. Donc s'il bouge, s'il bouge cycliquement dans le spectre d'environ 20 000 Hertz, c'est du son audible, mais, et c'est ça le sujet de la thèse que j'ai terminée en 2018, donc récemment, plus lentement, des modèles qui bougent plus lentement, sont des LFO, dans des low frequency, dans des low frequency oscillators, et ça va génère de, peut générer des rythmes, et encore plus lent, il peut générer des formes. Donc la chose qui est intéressante, finalement, c'était construire des grands modèles qui ont embedded, qui ont dedans la forme, les rythmes et les timbres. Donc c'est ça qui m'intéressait. Là par contre, j'avais 24 modèles, j'ai choisi entre les milliards de modèles que j'ai fait, 24 modèles, quelqu'un très très simple avec une masse, deux masses et un lien, quelqu'un avec beaucoup de centaines de masses. Et l'idée c'était d'avoir le modèle, j'ai utilisé des petits haut-parleurs batteries autonomes, d'avoir le modèle dans les petits haut-parleurs. Donc l'idée c'est un peu, chaque modèle a sa voix, il produit du son qui peut durer des jours, des heures, des années, je ne sais pas, de très longtemps. Et donc j'ai mis des fichiers son dans les petits haut-parleurs, et chaque haut-parleur c'était caché dans cette petite jungle. Et donc c'est un peu comme des animaux qui chantent, qui parlent, qui communiquent. La notion de paysage inouï, là, cette fois. Oui. Et, oui, donc personnellement, je suis satisfait de la situation, puisque bon, par rapport à ce qu'on a écouté, plein de choses intéressantes, des soundscape compositions, donc des sons enregistrés, qui sont composés et sont présentés dans le cadre d'une salle de concert. Là, c'était plutôt renverser la situation, de prendre des sons complètement synthétiques et les insérer dans une ambiance qui est naturelle. Ouais. Donc, c'est un petit jardin en centre-ville, mais quand même, c'est un petit jardin sauvage. Ouais. Enfermé avec des murs la nuit. Donc, c'était vraiment donc, créer une nature synthétique qui, à mon avis, à mon oreille, sonnait bien. Comme, oui. À la mienne aussi. Oui, voilà. Donc l'idée là de travailler sur les sons avec modèles physiques, pour moi c'est important, puisque je trouve que tous les modèles que je fais, quand même, ils ont naturel. Il y a des sons bizarres, il y a des sons qu'on n'écoute pas dans la nature, mais quand même il y a toujours une qualité du son, oui. Que ce n'est pas les sons synthétiques comme on entend normalement, oui, le sinus, la longue carrée. Il y a un côté vivant qui change, imprévisible, et je trouve que ça c'est intéressant. Et puis il y a le travail récent aussi avec le cresson, donc oui. Là, on rejoint les ambiances urbaines. Oui, donc c'est un peu ça l'idée de mettre ensemble mon expérience de compositeur qui a travaillé avec l'électronique et toujours à Grenoble, Cresson, il n'y a pas longtemps que je collabore avec eux. Et donc c'est l'idée de mettre ensemble les sons que j'ai fait pendant les derniers 20 ans dans des cadres qui ne sont pas les cadres classiques des salles de concert, mais plutôt comme on est là maintenant, avec du son, il y a un paysage sonore qui nous entoure. Qui... Comme ceux qui vont écouter ce bout de conversation vont entendre avec l'ambiance. Il y a les verres. Oui, donc... Il y a les marchés, donc voilà, c'est l'écoute. Je trouve intéressant d'écouter des sons aussi. Quand j'ai installé hier matin l'installation dans les petits jardins, à un moment donné, il y avait des oiseaux qui chantaient, c'était 9h du matin, et il y avait des bruits, et donc à un moment donné, je ne savais pas si c'était des sons que j'avais mis, oui. Ou c'était des oiseaux, ou c'était des voitures qui passaient, donc il y avait un peu ce paradoxe intéressant des layers, des niveaux sonores qui s'est mélangé et que j'ai trouvé intéressant personnellement. Oui, oui, c'est toujours le côté des installations en espace public, où on dit où est le vrai du faux, où l'installer du naturel, entre guillemets. Oui, donc ça donne, à mon avis, on dit, ça oblige un peu, invite un peu à écouter attentivement qu'est-ce qu'on écoute habituellement, qu'on n'écoute pas vraiment attentivement. Il est dans les oreilles, mais on donne pas l'attention à ça. Et si on est un peu obligé, entre guillemets, à individuer les sons ajoutés par l'installation, oui. On devient, on dit, consciente de la richesse du paysage sonore qui nous entoure. Et aussi, maintenant, c'est très riche, mais quelquefois, on dit, il y a du silence, mais si on écoute, oui. Il y a plein de sons. Et plus il est silencieux, et plus on a des profondités de sons, on a des sons différents, oui. Fins, et c'est intéressant. Allez, c'est toute la richesse, je trouve, de ce colloque entre toutes les pratiques artistiques, architecturales, l'urbanisme, les jeunes doctorants, les anciens, les écoutants. Oui. Et je trouve ça intéressant, parce que j'apprends de plein de choses. Donc je me sens un peu étudiant quand même. Quand il y a quelqu'un qui est urbaniste, sociologue, ornithologue, qui parle de son, je me rends compte qu'il a une attention au même objet, au même sujet, que c'est les paysages et l'écoute, mais avec une perspective complètement différente. Et c'est très stimulant, ça. Oui, tout à fait. J'en apprends beaucoup aussi. Oui, donc c'est bien. Nous en apprenons beaucoup les uns des autres. Oui. Donc c'est l'essence d'un symposium, d'un colloque, c'est des journées 30 ans. 3 jours, très riches. On n'a pas le temps pour... on a juste le temps de dormir, peut-être manger quelquefois. Mais quand même, c'est bien. Oui, mais d'échanger aussi un petit peu. Oui, d'échanger, oui, c'est ça. On échange, on parle, on est tout... On est en immersion pendant... Oui, oui, après, il faut un peu quelques jours pour métaboliser et revenir à tous les papiers, les adresses qu'on a conservées et reprendre des contacts et continuer comme ça. Eh bien, merci. Bon, merci à toi, Gilles. Il ne nous reste plus qu'à nous sustenter. Maintenant, il faut manger. Les sons nourrissent l'oreille, mais... Oui, maintenant, il faut nourrir pas seulement l'oreille. Merci. Merci.